Activité 6. 1. C'est Alexandre. Je suis au magasin et j'achète 2,5 kg de pommes de terre. Est-ce que c'est bien ça? 2. J'ai 21 paires de chaussures. C'est beaucoup. 3. Je veux entrer dans ce magasin. Il y a 75% de réduction.